nouvelle émission Autour de vous avec Laura sur Radio Guémezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Dans les studios de RGM, aujourd'hui je reçois Alain. Bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, je vais très bien. Super. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs? Bonjour Laura, donc je suis Alain Aubry, je suis le batteur et dirigeant du groupe Nevermind, un groupe de rock du Grand Est de la France. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association des musiciens des Lois. Pourquoi ce nom? Ben déjà parce que j'habite Éloie. J'ai fait partie de beaucoup d'associations sur Éloie. J'ai organisé beaucoup de bals, de soirées dansantes sur le site d'Éloie. Et puis, comme je suis passionné de musique, ben j'ai fait une association qui regroupe beaucoup de musiciens qui sont autour de la ville d'Éloie. D'accord. Et depuis quand elle existe, l'association? L'association donc des musiciens d'Éloie existe depuis environ une douzaine d'années. J'ai fondé cette association-là parce que je ressentais un manque pour regrouper des musiciens afin qu'ils puissent se produire. Je suis ingénieur et j'ai pu passer une licence de spectacle, ce qui m'a, on va dire, avantagé beaucoup pour créer cette association. Donc l'Association des musiciens des Lois regroupe des DJ, des groupes de rock, des groupes de jazz, des groupes de funk, etc. Tous des groupes de musiciens qui ne savent pas se produire dans la région. D'accord. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations aussi ou pas? Alors bien sûr, oui, on se connaît tous, hein, les présidents d'associations. Quand on fait une manifestation, on s'adresse à beaucoup d'associations différentes qui viennent nous rechercher parce que recherchent soit de la musique ou des groupes qui veulent animer, on va dire, leur soirée ou leur journée qu'ils ont prévue. Mmh. Vous gérez combien d'artistes à peu près avec l'association? Alors, artiste, c'est un bien grand mot. Nous, on est des travailleurs de la musique et on aime ça. On peut pas dire qu'on est des artistes. Plus on fait de la musique, plus on s'aperçoit qu'un vrai artiste, c'est quelque chose de spécial. Mais par contre, notre association, elle regroupe en gros une cinquantaine d'adhérents dans tous les genres de musique. Comment est-ce qu'on peut rejoindre l'association? Ben écoutez, il suffit de me joindre ou de joindre Laura à Radio Guémezo et puis elle nous mettra en rapport, c'est pas un problème. Mais bon, on peut être vu sur la mairie d'Éloie en tant que responsable d'association et puis tout ça se trouve au niveau de la mairie d'Éloie. C'est comme ça que je vous ai trouvé sur le site de la mairie d'Éloie. Et ils font quoi les bénévoles dans l'association? Ben écoutez, tous les adhérents de l'Association des musiciens d'Éloie sont des musiciens en puissance et font partie de groupes différents. Ils ont besoin de se faire connaître, d'effectuer des factures autant que faire se peut, d'effectuer, on va dire, des démarches musicales, on va dire, qui sont des approches auprès de la SACEM, auprès des choses comme ça, auprès des organismes bien spéciaux. Et puis moi, je les oriente sur ce qu'il faut pour pouvoir se produire d'une manière très très musicale. Est-ce que vous allez les voir en concert des fois ou pas? Ah bah oui, les musiciens, ça va voir les musiciens, hein. Ça c'est sûr. Est-ce que vous recherchez des bénévoles actuellement? Écoutez, non. Par contre, tous les bénévoles sont le bienvenu, mais on n'est pas à la recherche, nous, de bénévoles. Nous, on est là pour aider les gens dans leur démarche musicale. Regardez, imaginez, vous, Laura, vous voulez faire un groupe de funk demain. Vous connaissez une personne qui connaît une autre personne et vous vous assemblez, vous êtes à 4-5, vous savez pas quoi faire d'autre que de faire des répétitions dans votre garage. Mmh. Et ben, à la suite logique de cela, ça serait de venir vous inscrire dans une association et puis dire voilà, ben nous on est là, si t'as besoin de nous, on peut être disponible pour effectuer une présentation quelconque auprès d'une autre association qui aura besoin d'un groupe musical. D'accord. Est-ce que vous prenez tous les groupes ou est-ce que vous les sélectionnez? Non, on sélectionne rien du tout. Franchement, c'est une association qui est très conviviale et on essaye de s'assembler et puis de se respecter au mieux, quoi. Nous allons faire une première pause musicale avec une de vos reprises, avec la chanson antisociale du groupe Trust. On se retrouvera juste après sur le 107. Thank you. ce que t'as dit, faut payer ta carte tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marchais la robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme des devises. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes tes années de service. Antisocial, gâteau, les années de sévice. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Écraser les gens et te foutre ton passe-temps. En les éclaboussant, tu deviens gênant. Dans ton désespoir, il reste un peu d'espoir. Celui de voir les gens s'emparer d'un bazar. Mais cesse de faire le point, serre plutôt les poings. Bouge ta traîne, ma conduite est trop parfaite. Relève la gueule, je suis là, t'es pas seul. Ce qui l'attendait aujourd'hui te jugerait. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes tes années de service. Antisocial, bientôt les années de service. Enfin le temps perdu qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Qu'on ne rattrape plus. Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Alain, avec cette reprise du groupe Trust Antisocial. Ça envoie. Oui Laura, oui, c'est un peu fait exprès. Hein. On disait hors antenne que vous étiez batteur, mais c'était assez fatigant. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, je peux vous en parler. On est un groupe un peu atypique, c'est-à-dire qu'on est un des seuls groupes qui joueront pratiquement plus de 3 heures sur scène, sans arrêter. Ce qui veut dire que il arrive un moment, au bout d'une heure, vous êtes obligé de boire des bouteilles d'eau et des bouteilles d'eau. Autrement, vous suivez pas la cadence. Et comme c'est des morceaux qui envoient comme celui-ci, on va dire, ma foi, ça consomme de l'énergie. Mm-hmm. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment fatigant. Mais ça vaut une séance de sport, tout ça? Plus. On va dire le lendemain d'un concert, comme on se donne un petit peu à fond et puis qu'on aime bien faire participer le public, c'est vrai qu'on est souvent très très fatigué quoi. On a un jour pour se remettre à peu près. Alors, c'est quoi le nom de votre groupe, Alain ? Ben, Nevermind, je ne vous le cache pas, Laurent, on en a parlé tous les deux, hein, mm-hmm. Ça vient du groupe Nirvana. Et Nirvana, donc, qui avait fait, on va dire, cette compo de Nevermind. Nevermind qui veut dire, pour vous, une anglaise, on va dire. C'est pas bien de se moquer. Je me moque. Nevermind, en anglais, ça veut dire autant pour moi. Et autant pour moi, donc voilà, maintenant Nevermind c'est venu de Nirvana, d'une composition, il fallait que je fasse tout au départ, j'ai trouvé que ce nom-là sonnait bien, mm-hmm. Et puis voilà. Et ça fait très international, si vous avez envie d'aller aux États-Unis, etc., c'est déjà prêt. Oh, il y a des groupes plus forts que nous qui partiront là-bas, nous on n'est pas, on a tous des boulots par ailleurs, donc on ne peut pas, s'octroyer le droit de partir trop souvent. Combien est-ce qu'il y a de membres dans le groupe Nevermind ? Écoutez, pour faire ça, on est quatre. On a un guitariste qui s'appelle Eric André, on a un bassiste qui s'appelle Anthony Riblet, qu'on appelle entre nous Pete. On a Thierry, le chanteur, qui envoie bien du lourd, et puis je suis leur batteur. Est-ce que vous vous connaissiez depuis longtemps avant de fonder le groupe ou pas ? Non, pas du tout. C'est pour moi la recherche de ma vie. C'est-à-dire que pendant plus de 25 ans, 30 ans, j'ai fait des groupes de rock, des groupes de funk, des groupes de reprise, des groupes de rhythm and blues. Et puis, j'avais envie de répondre à une question qui souvent m'était posée dans les bars. Pourquoi vous faites pas que des chansons connues ? Ben, c'est ce qu'on a fait. On a 65 chansons archi connues. Comme ça, on est tranquille. On a 2-3 morceaux de groupes archi connus. Et comme ça, on en fait pour tout le monde. Autant de Goldman, du Johnny Hallyday, que du U2, du AC/DC, du Metallica, du Van Halen et autres Deep Purple. Ah oui, ça, c'est assez varié. Mais quelle musique, par exemple, vous demande plus d'énergie à vous en tant que batteur ? Bah déjà, ce genre de musique comme Antisocial, mais aussi Rage Against the Machine. Vous avez déjà écouté du Rage Against the Machine ? Ça envoie bien, ça. Le titre de la, enfin le groupe me dit rien, mais peut-être que si j'écoute une de leurs musiques, je vous dirai oui. Oui, voilà. Donc bon, on fait que des morceaux qui sont connus hein, de ces groupes-là. Après, il arrive un moment, si vous voulez, vous êtes tellement chaud que vous pouvez en faire pendant 2 heures, 3 heures sans arrêter. Et puis et voilà, c'est tout. Les batteurs, on est toujours aussi un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu voyant, parce qu'on a les bras qui se lèvent, les baguettes qui partent dans tous les sens, etc. Ça bouge dans tous les sens. J'ai même un siège à ressort, c'est pour vous dire. Ah c'est oui. la petite histoire, ça. Tout le monde se moque à chaque fois que je commence à bouger, parce que je rebondis comme ça. Vous voyez, même vous rigolez. Et au niveau du matériel, sur la batterie, c'est du plastique ou je crois qu'il y en a, c'est du cuir, il me semble, ou pas du cuir, je sais pas c'est quoi comme matière. Non. Donc en fait, pour effectuer ces sons-là, on est équipé de la nouvelle génération de tous les instruments. C'est-à-dire que tout le monde sur scène est équipé avec, on va dire, du matériel haut de gamme. Et la batterie, j'ai deux sortes de batteries à proposer, on va dire, en concert. La batterie live, qui est une batterie typiquement, on va dire... traditionnelle, mais elle est beaucoup plus grosse. Il y a 6 ou 7 fûts, j'ai plusieurs cymbales, j'ai grosses caisses, etc., caisses claires. Mais dernièrement, j'ai fait l'achat, bon, il y a ça quand même plus de 3 ans, d'une vraie batterie électronique de concert. Ce qui veut dire qu'on est capable de jouer dans des toutes petites salles, on est même capable de jouer à 11h du soir en plein HLM sans faire de bruit. Alors ça, vous entendrez exactement que le chanteur. Autrement, tout le reste passe dans une table, une sono, puis on fait des répètes au casque. Ah, c'est super, ça. Ouais, mais la plupart des jeunes, ils savent pas, ça. Ah oui. C'est pour ça que j'en ai fait une association, parce que la plupart des jeunes croient que faire de la musique, c'est emmerder les parents, et puis jouer, à faire du bruit, puis jusqu'à temps que les parents, ils en aient marre, ils en arrêtent. Non, c'est pas ça. Vous pouvez avoir des idées un peu plus larges, du genre, comment on peut faire pour pas emmerder tout le monde, quoi. Mm-hmm. En fait, vous équipez tout le monde de casques, vous avec un ampli, des amplis casques. Un peu comme ceux que vous avez sur la table, un peu. Mmh. Et puis vous envoyez tout dans une table. Et puis il faut avoir pour cela une batterie électronique. Et puis vous envoyez tout, la table, donc la batterie, la guitare, la basse, le chant, les pistes, tout dans la table. Et vous avez tout le retour au casque. Ça fait comme si vous étiez au Stade de France, hein. Et vous êtes dans une pièce de 6 mètres carrés. Oh, super. C'est de la nouvelle technique. Mais les jeunes, ils savent pas ça. D'accord. Ou alors ils vont pas assez loin dans leur recherche. Mm-hmm. Et donc nous on est là, les anciens musiciens, pour dire, et puis je dis anciens, quand les jeunes nous voient jouer sur scène, ils disent, mais ils sont là depuis 50 ans, tellement que, Ouais, c'est tellement que ça a l'air facile. Ça a l'air facile. Mais il y a du boulot derrière, hein. Ça a l'air facile. Et s'ils connaissaient ça, peut-être qu'ils s'associeraient plus avec d'autres copains qui sont musiciens. Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils ne vont pas aller au bout de leur recherche. Je le dis parce que je suis prof. Hein. Donc voilà, je sais très bien comment sont les jeunes. Ils s'arrêtent au premier problème. Bah après, via cette émission, ils sauront aller plus loin dans leur recherche, du coup, grâce à vous. J'espère bien. Parce que, on peut, parce que moi, j'attends que ça, que les jeunes ils s'assemblent et puis qu'ils fassent de la musique pour eux, pour les autres, etc. Puis moi, je leur dis, bah, au lieu d'emmerder vos parents, parce qu'il y en a, vous sortez la batterie, puis vous sortez la batterie acoustique, bah, vous achetez une petite batterie électronique, on va dire qui est guère plus chère, et puis vous envoyez tout dans une table, et puis c'est fini. Chacun des casques, un casque à 50 euros chacun, et puis c'est fini. Voilà. Alors moi, j'ai essayé de jouer de la batterie, mais sur ma tablette, le seul air que j'arrive à faire, c'est We Will Walk You de Queen. Et encore, c'est compliqué. C'est vrai? Oui. Prochain rendez-vous, vous venez, Laura. Oula, ça va être compliqué. Donc, en fait, donc, là, dans ce rythme-là, je demande au bassiste de le faire sur une table. Une table que je lui propose, hein, parce que j'ai pas... Et puis moi, je le fais à la batterie, bien sûr, mais lui, il le fait en plus de ça, il fait les. Ah oui. Et donc là, du coup, vous pouvez le faire, vous verrez le faire. Je vous invite. Mais c'est, il y a des petits tutos, hein, genre il y a un petit point rouge qui se met, vous devez taper là. Ouais, après, mais vous non. Devez taper là. Le live, c'est mieux. Le live, c'est mieux parce qu'il faut s'adapter au chant. Quel genre de musique vous jouez avec votre groupe? Est-ce que c'est que du rock ou est-ce que c'est un peu plus varié? On fait du Goldman. On fait du Goldman parce que souvent les femmes aiment le Goldman. Après nous on aime c'est pas ce qu'on préfère le plus mais on aime bien parce que Goldman c'est quand même un super musicien hein. Mais on aime bien, on fait du Johnny Hallyday, dans les plus douces hein, on fait ça. Après on fait tous les slows des grands groupes aussi. Bon, on en a pas 10 000 hein, des slows, on en a un. Donc voilà, si vous voulez conclure lors d'une soirée chez nous, il y a qu'un slow. Still Loving c'est You. La petite histoire. C'est celui-là, c'est Still Loving You. Non, c'est un morceau de Metallica. Ah oui, Nothing Else Matters. Nothing Else Matters, yes. Ouais, vous avez un super accent anglais, Laura. Ça dépend des fois, vous pouvez demander à mon collègue, il aime bien me taquiner là-dessus. Ouais, non, donc du coup, on dit ça avec beaucoup d'humour quand on joue en concert parce que voilà, on en fait qu'un slow. Mais bon, c'est le slow qu'on voit hein, aussi. Hein. Bah, vous disiez que Goldman est un grand musicien. C'est vrai que quand on écoute, la musique est bonne, on est tout de suite dans l'ambiance. Ouais, c'est ça. Alors nous, on fait en plus de ça, pour bien éclaircir les choses, on fait aussi un medley donc, qui dure pratiquement 15 minutes. Hein. Donc qui rassemble 5-6 chansons de Goldman. Et puis quand on va dans les mariages, les choses comme ça, les anniversaires, ma foi, bon, on aime bien les faire, celles-là. Autant que les Johnny Hallyday, c'est pas notre trip, mais on les fait quand même. Voilà. Quand vous jouez Allumer le feu de Johnny, ça doit faire une sacrée ambiance, parce qu'en général, les gens, ouais, ils aiment bien. Ouais. Bon, il n'y a pas que celle-là qu'on fait, mais on fait l'envie aussi, on fait quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que Johnny Hallyday reste l'artiste préféré des Français, c'est sûr. Est-ce que vous jouez aussi Gabriel? Parce qu'il y a toujours des fans qui croisent les mains à chaque fois. Non, je vous dis, on en fait 2-3 par artiste, c'est bien. Autrement, ça nous amène trop tard dans la nuit et on rentre plus. Alors, vous jouez de la batterie, comme on le disait tout à l'heure, mais est-ce que vous avez fait une école de musique ou est-ce que vous avez fait ça en autodidacte? Alors, au début, Laura, j'ai commencé, on va dire comme tout le monde, en achetant une batterie, puis en m'apercevant que c'était de la dope ce que je faisais. Ça valait rien. Donc, j'ai commencé par prendre des cours de batterie, et puis j'ai eu un prof de batterie qui est venu chez moi et qui a commencé à me montrer les premiers morceaux. Et qui m'a dit, Alain, tu devrais te présenter parce qu'il y a des musiciens qui cherchent un batteur. Mais je leur ai dit, moi, je sais rien à faire. Ben, elle me dit, tu vas pas savoir à quelle vitesse tu vas aller. Pourquoi? Parce que quand vous arrivez là, vous savez pas faire grand-chose, vous êtes obligé de bosser. Donc, en fait, je suis allé dans un groupe, on va dire, qui faisait que du AC/DC. Alors, moi qui étais piqué à l'AC/DC, hein, c'est de l'héroïne hein, pour moi, AC/DC. Hein. Je connais chaque note et chaque souffle. Souffle qu'il y a sur les CD, hein. Quand tu fais comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Je les connais tous. Et donc, du coup, les gars m'ont accepté, puis ça m'a obligé à bosser toutes les semaines, toutes les deux semaines, un morceau, un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. Jusqu'à temps qu'on en ait une vingtaine, quoi, et puis qu'on puisse sortir ensemble, quoi. Mais quand vous arrivez dans un groupe, ça doit pas être évident, parce qu'il y a déjà une alchimie entre les différents musiciens, puis il faut rentrer dedans, ça doit pas être facile au début. C'est pas évident. C'est pas évident. Alors au début, vous vous contentez d'un rythme traditionnel que vous essayez de faire au mieux. Ton ton ta, ton ton ta. Et puis le faire régulièrement 1000 fois, c'est pas facile. Donc vous vous contentez de ça. Et puis après, ben vous commencez à mettre les breaks, les entrées, les sorties. Et puis après, ça rentre. Ça rentre. Et puis j'ai toujours pris des cours. Hein. De toute façon, j'ai continué comme ça, rencontrant d'autres personnes, d'autres groupes, etc. Même actuellement, je prends encore des cours. D'accord. Je prends encore des cours avec Nicolas Adam de l'école de musique d'Épinal, qui était un super batteur, un jeune pour moi, hein, qui a 30 ans, hein, donc un jeune, mais qui m'apprend plein de choses et il m'apprend surtout à comment je pourrais dire, à pas trop me fatiguer sur scène, parce que j'ai un peu tendance à faire le guignol. On le sent dans ma voix, non? Non, mais c'est bien d'avoir un peu de folie aussi. C'est ça. D'être trop sérieux, on s'ennuie. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc là, du coup, ben voilà, je prends toujours des cours de batterie et puis j'apprends à faire des choses qui sont différentes. Et puis j'ai appris aussi à lire un peu le solfège, ce qui est pas évident, ce qui est pas évident. Et donc du coup, ben voilà. Et puis après, ben d'un morceau, vous en faites un autre. Et puis après, vous le réintégrez dans un morceau que vous faites. Et puis le morceau là, le petit break là, vous le réintégrez dans un autre morceau. Puis dans une espèce de compile, quoi, vous faites. Mais c'est extrêmement dur parce que ça vous oblige à contrôler votre corps, à faire des choses différentes avec chaque membre de votre corps. D'accord. Donc là, c'est pas évident. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la batterie ? Bah, le fait que ça donne le rythme, peut-être. Depuis la nuit des temps, de la préhistoire, depuis le fond de l'Afrique, vous entendez toujours le toum, toum, toum, toum, toum. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, du tout, puis j'aime bien cet instrument. J'aime bien aussi la basse. Voilà, si je devais faire un deuxième instrument, je pense que je ferais de la basse, mais tous des instruments qui sont autour de la percussion de manière générale. J'aime bien ça. Mais la batterie, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est lui qui fait commencer la musique quand il tape dans les baguettes, etc. C'est celui qui est le plus regardé, on va dire, par tous les autres musiciens. D'accord. C'est celui que quand il fait une erreur, il vous montre du doigt. Il dit, c'est lui qui a fait l'erreur, c'est pas nous. Il s'écarte. C'est facile, comme ça. Alors, nous, on est un groupe qui s'entend bien. Alors, dès que je fais un truc comme ça, ils se moquent de moi. Hein. Parce que quand le bassiste, il s'arrête, au pire, vous entendez pas. Vous sentez que, tiens, il manque peut-être quelque chose. Mais quand le batteur, il s'arrête, ou quand il tape à côté, là, ça se sent. Là. Après, on en rigole, nous on sourit, hein, parce qu'on travaille, hein, mais bon, voilà, c'est tout. Qu'est-ce que je vous dise, on n'est pas des professionnels, mais ce qu'on fait, c'est propre, voilà. Bah même les professionnels, ils peuvent se tromper, la perfection n'existe pas. Hein. Ils se trompent, souvent, mais les gens ne le savent pas. Les gens ne savent pas. Par exemple, nous on joue avec des clics. Vous voyez, on joue au temps parfait. La preuve, moi j'ai ça dans mes oreilles, je clique, donc s'ils ne me suivent pas, c'est mort pour eux. Ah oui. Là, c'est pas pareil, là. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'ai tous les clics qui sont enregistrés, toutes les phases musicales, etc. Donc, je les envoie à tel moment, je compte 1, 2, 3, 4, etc. Et je les envoie au bon moment. S'ils me suivent pas, c'est leur problème. Et on peut pas s'arrêter dans le concert. Ah oui. Donc, je sais pas si vous imaginez, mais on a des pistes qui nous donnent le clic à tel moment. Hein? Et puis, à tel moment, on va arriver par exemple un synthé qu'on n'a pas sur scène. Donc, on va l'envoyer à ce moment-là. Donc, il faut l'envoyer sur le 1 de la mesure 46. Et donc, voilà, tout le monde sait ça. Donc, après, je peux même pas les rattraper, même pas avancer, même pas reculer. Je suis obligé de taper là. D'accord. Donc, ça devient pour nous quelque chose de difficile, mais on aimerait bien apprendre ça aux jeunes, tout ça, comment il faut faire. Nous, c'est ça, le rôle de notre association, c'est dire, nous, on existe, et si vous voulez faire quelque chose de bien, il faut faire comme ça. Parce que souvent, on dit, les musiciens, il est balèze. Ce qu'on ne sait pas, c'est le nombre d'heures qu'il y a derrière. Le nombre d'heures. Quand le gars, il chante à la télévision avec un riff de guitare, etc., et que vous trouvez qu'il chante bien, vous ne pouvez pas savoir le nombre d'heures qu'il y a derrière pour ça. D'abord, il faut faire les rythmes. Après, il faut les intégrer. Après, il faut oublier ses mains, oublier sa tête et chanter. Donc, tout ça fait que, si vous voulez, quand on voit ça, souvent les gens ils nous prennent pour des jukebox. Hein. Et celle-là, vous ne la faites pas. Et celle-là, vous ne la faites pas. Enfin, on en a fait 60, monsieur. Vous êtes gentil. Nous, on s'en va là, maintenant. Voilà, c'est marrant, mais c'est comme ça. Mais est-ce que vous avez des parties chantées, vous, quand vous êtes batteur ou pas? Parce que, en plus de taper sur la batterie, s'il faut que vous fassiez les chœurs, ça doit être compliqué. Je fais les chœurs, ouais, avec mes copains, ouais. Ouais, on est obligé. Ce que vous avez entendu, là, dans Antisocial, on fait bien les antisociales derrière. Antisocial. On essaie de se mettre au diapason de notre chanteur, pour avoir à peu près le même genre de gamme. Hein. Mm-hmm. Et puis voilà. Mais bon, moi, je suis pas un grand chanteur. Sous ma douche, oui. C'est tout. Moi, je suis une grande chanteuse de salle de bain. Ma brosse à dents, chaque fois, elle me fait une ovation. C'est ça. Hormis ACDC, quel genre de musique vous écoutez, vous, Alain? Ah, moi, je suis... J'aime vraiment, mais vraiment, vraiment, toutes les musiques. Il m'arrive des fois de m'arrêter sur un concert, on va dire, philharmonique à la télévision pendant 10 minutes ou un quart d'heure, et je les regarde tous faire, parce que je m'imagine bien leur méthode. J'aime bien le funk. J'aime bien le hard rock. J'aime pas le métal. Parce que pour moi, c'est pas de la super musique. Voilà, c'est enfin bon, j'aime pas ça. Par contre, les métalleux, d'une manière générale, sont de bons musiciens. Mm-hmm. À l'inverse de, la plupart des gens disent le métal, c'est de la musique, on va dire, c'est ça gueule, c'est pas beau. Mais souvent, les gars qui sont dedans, ils sont trop forts. Souvent. Les batteurs, c'est des gens qui pratiquent la double pédale d'une manière très, très régulière, très machin. Mais bon, ça reste de la musique que j'aime pas du tout, moi. Voilà. J'ai vraiment du mal avec ça. D'accord. C'est pas notre public, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un ou des artistes qui vous ont influencé dans votre musique? Oui. Oui, quand j'étais en école d'ingénieur, j'ai fait une école d'ingénieur, hein, Laura, et quand j'étais en école d'ingénieur, on allait souvent voir des potes qui faisaient partie d'un groupe, et c'était des jumeaux, un guitariste et l'autre batteur. Et plusieurs fois on allait les voir parce que c'était des potes à nous à force. Et je crois que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le jour-là, c'est-à-dire je vais faire mon groupe avec moi, à moi, en faisant du YouTube. Je suis vraiment un fan de U2. Autant j'adore ACDC, mais U2, j'adore aussi. Et là, quand on fait Sunday Bloody Sunday, je peux vous dire, vous pouvez l'écouter, hein, c'est le truc de ouf, quoi, ça. Mm-hmm. J'ai dit ça, je ferai ça, un jour avec mes gars. Et puis on le fait maintenant. Et quand on fait ça, je peux vous dire que tout le monde se lève. Hein. Faut venir, hein, Laura. Vous verrez, je vous montrerai comment ça se donne. Les gens dansent sur les tables, hein, quand on joue dans les bars. Hein. Ah oui, c'est un truc de ouf, hein. Un truc de ouf. Après, ben voilà, qu'est-ce que je vous dis? Moi, j'adore U2, j'aime bien Bono, j'aime bien leur gratteux, j'aime bien le batteur, voilà. Mais j'adore ACDC, je connais tout d'ACDC. Qu'est-ce que je vous dis? C'est des musiques que, quand vous avez 14 ans, et si on vous dit, tu devrais écouter ça, on sait pas qu'on va en avoir pour toute une vie à écouter ça. Mm-hmm. J'ai rencontré, moi, la personne-là qui m'a dit... qui avait 3-4 ans de plus que moi, il me dit, tu devrais goûter ça, c'est un groupe qui est en train de monter, ça. Alors c'est sûr, j'avais Highway to Hell entre les mains. Hein. Ah oui. l'album complet, et je savais chaque note. Je savais chaque note d'après. Chaque note d'après, etc., etc. Puis après vient de la fusion, du funk, du machin. Je suis fan, j'aime bien Prince, j'aime bien la musique qui groove, vous voyez. Voilà, je suis un fan de musique, j'aime bien ça. Après, j'en fais pas mon métier, mais je suis un fan de musique. Et ZZ Top, non? Ah ouais, ZZ Top, on en fait aussi un petit peu, hein, ZZ Top. Hein, hein. Mais bon, après, ZZ Top, ben oui, c'est de la musique de cow-boy, et c'est de la musique qui est bien. On en fait, hein, on en fait 2-3, juste parce que les gens nous demandent. Mais bon, je vous dis, on fait nous à peu près 2-3 chansons de chaque groupe archi connu. Après, vous avez aussi, bon, alors pour les jeunes qui, quand on fait des mariages, ils veulent souvent des musiques de plus ardues, du genre Rage Against the Machine. Bon, là, c'est du truc en bas du lourd, hein. Mais bon, quand on fait ça en concert, tout le monde saute dans tous les sens. À quel moment est-ce que vous avez décidé de vous lancer? En fait, au premier cours de batterie, ou peut-être au deuxième que j'ai pris avec un prof, qui est venu chez moi, je lui ai montré ma batterie, comment je l'avais montée, il me l'a redémontée, il me l'a remontée dans l'autre sens. Et puis, c'est là qu'il m'a dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais qu'il y a un groupe qui fait du ACDC, donc chose que t'aimes bien, et il va se monter et chercher un batteur. Ça s'est monté là, voilà. Et là, après, le train s'est enclenché, quoi. Un groupe qui s'appelait Help Me Angus. Donc, Angus étant le guitariste d'ACDC. Et puis notre chanteur avait trouvé ce nom-là et ça sortait bien. Help Me Angus. Et on faisait que des chansons d'AC/DC. Donc, on était à cette époque-là, on va dire très recherché parce qu'on n'est pas beaucoup de groupes à faire que du AC/DC. Là, dernièrement, on va dire, il y avait un groupe qui était excellent, qui s'appelle Rock or Bust, hein, qui s'arrête malheureusement parce que leur chanteur s'en va. Donc, ils arrêtent Rock or Bust, mais c'était le groupe d'AC/DC du coin, avec nous. On est deux groupes à faire du AC/DC, à savoir donc Nevermind et Rock or Bust. Et bon, ben voilà, c'est faut aimer AC/DC. Après, faut être puriste hein, pour aimer ça. Pas uniquement les chansons archi connues, mais quand on fait Highway to Hell sur scène, je peux vous dire, ça envoie. Hein. Les gens aiment ça. Hein. Les gens aiment ça. Et je crois que pendant les 20 ans à venir, ils aimeront ça. Alors vous faites beaucoup de covers avec le groupe Nevermind, mais est-ce que vous interprétez aussi vos propres compositions? Est-ce que vous composez avec votre groupe ou pas? Alors, plus maintenant. On a arrêté parce qu'on a trop de boulot dans Nevermind. Et puis trop de boulot par ailleurs aussi de notre côté, mais on s'était mis à faire une composition. Par un moment, on en a fait une, deux, trois, quatre, etc. Bon, c'était des musiques qui ressemblaient, on va dire, à du Iron Maiden, du Van Halen, du rock de manière générale, quoi. On en a une là que je vous ai donnée, là, qu'on a essayé, mais bon, on aurait pu en faire 10 comme ça, c'était les mêmes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finalement, on n'est pas tous artistes. On s'aperçoit qu'un vrai artiste, il amène quelque chose en plus. Et nous, on sait faire que des choses qui sont correctes. Si on sait, moi, je pense que si on sait admettre ça, on n'a pas déjà la grosse tête. Et si on sait admettre que un artiste, on le trouve pas ça n'importe où, quoi. Inventer des morceaux, c'est pas inné. Tout le monde n'est pas capable de faire ça. Souvent, c'est de la dope, quoi. Là, vous répétez un truc que vous avez déjà entendu, qui ressemble, etc. Mais un vrai chanteur, il arrivera là et vous mettra sa patte dans un morceau que vous êtes en train de composer. Tout de suite, ça deviendra le morceau que vous devez écouter. Et bon, pour nous, c'est pas notre cas. On s'en est vite aperçu. Vaut mieux qu'on reste dans notre petite partie. Quelle musique est-ce que vous pouvez écouter en boucle? En boucle. Waouh. U2, Sunday Bloody Sunday, en concert au Stade de France. Là, je connais chaque note. Les albums de U2, ça, c'est sûr que bon, les premiers albums étaient pour moi les meilleurs. AC/DC, je les connais tous. Donc, on est des gens comme moi, j'en connais que deux. Un collègue qui était chanteur, lui qui a été, on va dire, piqué à la AC/DC, et quand je l'ai rencontré, c'est devenu comme une histoire, on va dire, qui devait se faire. Mm-hmm. Et voilà, c'était le chanteur d'AC/DC qui chantait comme AC/DC. Mais par contre, il chantait du yaourt. Ah. Ah, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et donc là, c'est venu très très vite embarrassant, mais c'était bien ce qu'il disait. Mais bon, voilà. Pas sérieux. Un manque de sérieux peut-être de sa part. D'accord. Manque de travail, quoi. Parce que pour être un musicien, il faut travailler. Faut pas faire ça 5 minutes le matin et 5 minutes le soir. Ça rentre pas autrement. Mm-hmm. Mais ouais, des morceaux en boucle. Ouais, Highway to Hell. Bon, je l'ai fait 10 000 fois. Deep Purple, Smoke on the Water, je l'ai fait 1 million de fois. Quand j'avais 14 ans, j'allais voir les groupes sur scène et je demandais au batteur si je pouvais faire Smoke on the Water. Voilà, et j'avais 14 ans. Et il me laissait... des fois, il ne laisse pas. Moi, je sais que j'aime pas laisser ma batterie, mais c'était sympa de l'avoir fait, on va dire, avec des groupes qui étaient en place, quoi. Donc, c'était un trip perso. Mais bon, Smoke on the Water, c'est la chanson rock archi connue, quoi. Qui peut être déplaisante pour certains. Moi, je te dis que dans 50 ans, on écoutera toujours ça. Même pourtant, c'est pas le top. Mmh. Mais voilà, je peux pas me tromper sur ça. Je joue sans les mains avec ça. J'exagère, mais c'est ça. Mais la musique est une passion pour vous, mais est-ce que c'est aussi un exutoire? Est-ce que ça vous fait du bien? Ah oui. Ah oui, ça, c'est sûr, ça fait du bien. Et puis ça met dans une, parce que moi je suis toujours en train de travailler des nouveaux riffs, et ben ça m'oblige à penser à autre chose, ça m'oblige à penser autrement, ça m'oblige à travailler autrement, à mettre mon cerveau en off, parce que je suis prof. Alors vous imaginez, moi j'ai 250 élèves, des fois les élèves ils ont un peu de mal à comprendre les choses, et donc du coup les soirs vous revenez chez vous en étant un petit peu énervé, parce que la leçon que vous avez préparée, ben ils l'ont pas compris pour certains. Et donc ça peut énerver. Donc quand je vais sur la batterie, ça me permet de travailler autre chose, de me donner une bouffée d'oxygène. Et cette bouffée d'oxygène là, hop, après je suis zen attitude là, parce que là je m'aperçois que je sais pas grand chose, et comme je sais pas grand chose, je suis obligé de bosser. C'est dur, hein, c'est ce que je vous ai dit là. C'est la phrase est vachement dure. Hein. Vous vous apercevez que vous savez pas grand chose. Mm-hmm. Parce que on dit, oh, c'est facile, taper sur le et ou le du un. C'est pas pareil. On peut pas tout savoir, c'est impossible. Hein, vous comprenez, Laura? Un et un et deux et trois et quatre, et taper sur le « et », c'est pas facile. Alors, je voulais partager avec vous une citation d'Emmanuel Kant qui dit que la musique est le langage des émotions. Vous en pensez quoi? Ça, c'est vrai. Parce que à chaque fois qu'on va dans des bars, ou à chaque fois qu'on va dans des festivals, ou à chaque fois qu'on va dans des mariages, parce que maintenant, on fait de plus en plus de mariages, mais les gens sont déchaînés dès qu'ils entendent la musique. Mais déchaînés. Hein. Alors autant les filles que les garçons. Je dirais même plus les filles. Bon, ça, c'est un langage macho. Hein. Mais c'est vrai, ce que je vous dis là. C'est-à-dire que dès qu'arrive 2h du matin et que vous commencez à faire des zombies, des cranberries, des morceaux archi connus, etc., là, ça part dans tous les sens. Les mariages, l'autre fois, on avait une mariée, on a une grosse enceinte devant, elle est restée dessus pendant 3 heures de temps. C'était marrant, c'était moi. J'imagine. Elle faisait chanter tout son public, elle était heureuse, tout allait bien. Elle croyait que c'était son concert. C'était son concert. Elle donnait toute sa vie sur scène, du coup. C'est ça. Il y a une autre citation que je voulais partager avec vous, c'est de Céline Dion, cette fois-ci, qui, elle, dit « La musique, c'est thérapeutique, une façon extraordinaire de s'exprimer ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est la thérapeutique, ça veut dire qu'en vrai, qui guérit les choses, hein, comme un thérapeute, et ça guérit pas mal, ça guérit le fait d'être énervé, ça vous radoucit, le fait de, on va dire, de pas être bien, ça vous oblige à penser autrement, ça vous oblige à être binaire, ternaire, etc., donc à vous mettre à penser autrement avec des rythmes différents. Oui, mais Céline Dion, c'est une bête de course. Hein. Mm-hmm. Je dis ça parce qu'en plus de ça, j'en ai bossé pour un concert que j'ai fait l'autre fois pour une chanteuse qu'on avait sur Nancy. C'est des morceaux qu'on voit bien aussi, ouais. Parce que je fais pas que du rock. Je fais aussi, on travaille aussi avec des chorales. Alors, on a un groupe de rock qui travaille aussi avec des chorales. Comme on est prof, hein, donc on s'assemble avec tous les autres collèges. J'ai fait Highway to Hell avec 400 personnes. 400 jeunes à côté de moi. Ah oui. Vous imaginez, Laura? Non. 400 jeunes à côté de vous en train de faire Highway to Hell. Et là, c'était un truc de ouf. Hein. J'avais des poils qui s'érissent sous les bras. Ça doit être magique quand même, ça. Et les jeunes, ils sont tous gentils parce que bon, moi, j'aime mes gamins. Donc, quand je fais prof, je suis pas prof parce que je suis un passionné. Et quand vous faites ça avec eux, les gamins, ils ont fait un tollé dès qu'ils nous ont présenté. C'était un truc de fou. Et quand vous faites Highway to Hell avec 400 jeunes, ils étaient tous motivés. Hein. Puis bon, nous, on envoie du lourd aussi, hein, derrière. C'est pas je tapote sur un petit bout de tambour. Hein. C'est, tout est insonorisé et ça envoie des gros coups de grosses caisses. Mmh. Et puis là, voilà. Et des jeunes qui sont motivés. Voilà. Autre chose que faire A plus B au carré. C'est sûr que c'est pas du tout la même ambiance. Est-ce que vous donnez des cours à l'un de batterie ou est-ce que vous envisagez d'en donner plus tard ou pas? Non, pas du tout. Non, je donne pas de cours de batterie. Je souffre déjà avec mes cours traditionnels parce que je suis un remplaçant et que je remplace un maximum de profs. Et donc à chaque fois, je suis obligé de faire des cours différents. Donc j'en ai des multitudes de dossiers dans mes armoires. Non, je donne pas de cours. Je donne des conseils. Voilà, pour effectuer des bonnes présentations musicales à nos adhérents. Nous allons faire deux pauses musicales avant de continuer de parler du groupe Nevermind et de votre actualité. On vous laisse avec deux reprises interprétées par le groupe et on se retrouvera juste après sur RGM. « Woman, come me the name of love. Woman, come and go. Woman, call me to justify. Woman, to overthrow. Beach. One man betray with a kiss. Wanna feel like I did that day, but Nous sommes de retour sur les ondes de RGM avec Alain. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre via le 107, notre site internet Radioline ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Alors Alain, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les deux reprises qu'on vient d'entendre, à savoir Red Hot des Chili Peppers et Pride de U2? Alors, ma foi, U2, tout le monde connaît. Bon, c'est un groupe emblématique de l'Irlande du Nord. C'est des gens qui ont fait de la musique, un peu de la musique de garage au début, et puis ont inventé un style tout à fait spécial dans les sons, dans la musicabilité, dans tout ce qui touche à la musique de manière générale. Donc U2, c'est un groupe de référence. Bono, c'est un super gars. Et donc voilà, nous on adore U2. On adore U2, on peut pas en faire beaucoup. On en fait deux ou trois, mais bon, on fait les plus emblématiques, hein, à savoir Sunday, Bloody Sunday, et puis celle-ci. Maintenant, Red Hot Chili Peppers, c'est un super groupe californien qui vient donc de la région de Los Angeles. Bon, c'est des gens aussi qui sont très emblématiques, très spéciaux dans leur manière de faire. Même encore maintenant, ils font des concerts. C'est des fous sur scène. Hein. C'est des fous sur scène, les Red Hot. Le batteur, il est énorme. Il est énorme, il fait 1m90, il a 3 mètres d'épaule, on a l'impression qu'il joue sur une toute petite batterie. C'est pas ça du tout. La batterie est grosse et lui, il est encore plus gros. Mais les Red Hot Chili Peppers, ça doit pas être facile parce que le chanteur, il a un débit qui va assez vite en plus quand il chante. Ah oui, c'est bon, là, chez les Red Hot, bon, c'est vrai que nous, on adore ça parce que c'est déjà des musiques qui sont très connues. Que les gens aiment bien. Alors nous, on fait pas de la musique pour danser. Hein. Nous, on fait de la musique pour écouter et pour danser quand c'est faisable. J'en ai pour preuve on fait du Pink Floyd, par exemple, que tout le monde connaît. Ok, tout le monde connaît The Wall de Pink Floyd. Ok, mais on est les seuls à faire Pink Floyd depuis le début de la chanson de Pink Floyd que l'on trouve sur le CD. C'est-à-dire qu'on fait depuis l'entrée avec l'hélicoptère, le machin, les enfants qui crient, etc., jusqu'à la fin, etc. Donc, en fait, quand on fait Pink Floyd, les gens s'arrêtent de danser pour nous écouter. Parce qu'ils adorent ça. Ils adorent ça. Et puis, nous, on comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Laura, on s'équipe de matériel, on va dire, qui est très, très performant, des pistes qu'on envoie au bon moment, machin. On envoie le même hélicoptère que Pink Floyd, etc. Puis, on a en plus un guitariste qui fait partie d'un groupe de reprises de Pink Floyd de pur. Donc, ça veut dire qu'il a travaillé ses sons, il a tout travaillé, à nous de faire ça, mais généralement, les gens, ils écoutent Pink Floyd. Comme ils écoutent Red Hot Chili Peppers, c'est quand vous écoutez donc Under the Bridge de Red Hot Chili Peppers, ça se danse pas, ça s'écoute parce que vous êtes en train de boire une bonne bière avec des potes. Voilà. Après, quand on fait antisocial, les gens passent dans la salle. Et là, on va avec eux, carrément. Nos guitaristes, bassistes, chanteurs, tout le monde descend. Il n'y a que moi qui reste sur scène, parce que c'est pas facile à bouger la batterie. Mais tout le monde descend, on va dans la salle, on va jouer avec eux, on va danser avec eux, on chante, on fait des arrêts, on fait chanter les gens, c'est un truc de fou, quoi, voilà. Mmh. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il fallait travailler hein, pour garder une bonne rythmique, etc. Mais quelle est la fréquence de vos répétitions avec votre groupe ? Alors Laura, c'est là que tout le monde tombe de sa chaise, on répète jamais. Ah bon ? Remontez sur votre chaise, Laura. Oh, j'ai pas bougé. Je vous le redis, on répète jamais. C'est vrai. On répète jamais, ouais. Bah, comment vous faites alors, du coup ? Bah, on bosse chacun de notre côté. On bosse solfège, tout, machin, tous les morceaux, les breaks. De mon côté, je bosse jusqu'à plus soif et jusqu'à temps que le morceau y rentre. Et puis le bassiste fait pareil, le guitariste pareil, le chanteur pareil. Puis lors d'une préparation de concert, etc., on se prend 5 minutes pour essayer entre nous. On voit que ça rentre, c'est fini, on l'a fait sur scène. Puis après, ben, une fois qu'on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, c'est fini. Et ça, j'ai jamais connu ça avant. Laura, ça fait presque 25 ans que je fais des groupes. C'est pour ça que j'ai gardé ce groupe-là, parce que... On va dire, il n'y a qu'avec ce groupe-là qu'on est capable de faire ça. On bosse chacun de notre côté, on arrive là, c'est fait, on n'en parle plus. Oh, super. Ouais. Ça ne doit pas être donné à beaucoup de groupes de faire ça. Aucun. Aucun fait ça. Aucun fait ça parce qu'on a tous des boulots, nous, par ailleurs. Donc, mais comme on aime ça, comme on se respecte mutuellement, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il n'y a jamais. Voilà, c'est le groupe qui bosse, on arrive, c'est prêt, on n'en parle plus. Mmh. Puis on s'entend bien sur scène. Hein. Alors, comme je suis le plus ancien de la bande, souvent ils se moquent de moi, mais c'est pas grave. Comment est-ce que vous vous êtes fait connaître avec le groupe Nevermind ? En fait, il y a 12 années que j'ai créé Nevermind. Je l'ai créé personnellement. Hein. J'ai mis des annonces. D'une annonce, en est venu une autre. Et puis, j'ai trouvé... Je discutais avec des gens, le chanteur je l'ai trouvé parce que je discute avec une dame qui travaille où travaille notre bassiste et qui dit ben tiens mon cousin il chante aussi puis il vient de quitter son groupe, on l'a appelé et puis voilà, il est resté, ça fait 12 ans qu'il est avec nous. Le guitariste, ben, je le connaissais parce que bon, c'était un gars qui était très fort, qui était prof d'allemand et qui est repassé prof de musique parce qu'il était trop fort en musique. Il a fait tous les conservatoires et autres écoles de musique. C'est des mecs qui sont très très forts. Que je connaissais, je me disais jamais, au grand jamais, il viendra jouer avec nous parce qu'il est trop fort. Vous voyez, c'est comme ça. Il y a des gens plus forts que nous. Et puis, je lui ai dit, si tu viens chez nous, je te promets de faire plein de concerts, on va te voir. Et ben, voilà. Depuis, il est resté. Il joue dans notre groupe, mais dans notre groupe, il se fait plaisir. Voilà, c'est le guitariste, la personne, on va dire, qui part dans ses solos qui sont diaboliques et qui sont exactement comme les vrais solos. Exactement. C'est pas je fais une partie, je fais un solo qui... machin. Non, non, il fait exactement les mêmes notes. Mais il bosse. Il est comme son batteur qui, des fois, à 11h du soir, envoie un message disant « Putain, le break là, il passe pas. » Et ça fait déjà 2 heures que je suis dessus. C'est comme ça, c'est marrant. Hein. Mais puis tout d'un coup, ça passe, on ne sait pas pourquoi. Et voilà. Et puis le bassiste fait pareil, et puis le chanteur fait pareil, et puis voilà. Puis ma foi, ben, après, ben, rendez-vous au tas de sable. Hein. Mais il y a une grosse partie informatique aussi là-dedans, Laura. C'est la nouvelle méthode pour faire de la musique maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on travaille tous au clic. On a tous des oreillettes. On a, c'est plus des casques, c'est des oreillettes, et puis on envoie tout le système dans les oreillettes, et puis chacun envoie ce qu'il veut dans ses oreillettes. Ah bon, ben moi qui suis batteur, j'ai pas envie de trop de ma batterie, donc c'est moi qui règle ma batterie dans mes oreillettes. Donc voilà, je vais plutôt m'intéresser à me mettre au diapason du chant. Vous voyez? Et donc, du coup, on a des pistes, quand on n'a pas un instrument sur scène, imaginez qu'on ait besoin d'un ukulélé sur scène, nous on n'en a pas, ben je le mets sous forme de piste. Mais par contre, ça nous oblige à arriver à la mesure 41, comme je vous disais tout à l'heure, à la mesure 41, envoyer l'ukulélé à la mesure 41. Pas à la 42, pas à la 43. Donc, il faut tous être carré. Puis quand on veut s'arrêter, qu'on veut animer quelque chose, qu'on veut dire quelque chose, on arrête les pistes et on reprend au bon moment. Donc, il y a un vrai boulot derrière, un vrai boulot de préparation. Pour envoyer, en plus de ça, les parties clics d'un côté sur le batteur, les parties chants de l'autre côté, et les parties qui partent pour le public. Donc il y a un vrai boulot, comme vous, à votre écran, vous pouvez sélectionner le chant, le machin, le deuxième parole, le troisième parole, le quatrième, etc. Le cinquième, la guitare, le sixième, la batterie. Ben, nous, on fait pareil. Il y a un vrai boulot. Bah, tout ce travail, de toute façon, rien n'est inné. Après, c'est peut-être ça, là où certains jeunes s'arrêtent dans les musiques ou tout du moins les groupes qui se font, parce qu'il y a du boulot. Si sur 5 personnes, il y en avait une qui bosse pas, ça freine les 4 autres. Et on a tous connu ça, tous les icônes que vous avez là, on a tous connu ça. Parce que le Nevermind au début, c'était pas ça, c'était Nevermind, il y avait que le bassiste qui était avec moi. Après, j'ai recruté le guitariste et le chanteur, en plus. Mais bon, c'est comme ça. Comment est-ce que vous vous sentez avant de monter sur scène? Est-ce que vous êtes stressé? Ah ouais, ouais. Mais en fait, on est assez cool, mais on ne dit pas trop qu'on est stressé. Mais on est plutôt stressé parce qu'on s'est dit des choses entre nous, et puis il faut qu'on y pense au bon moment. Exemple, on se dit, ben voilà, je désaccorde ma guitare au morceau 23... On peut pas passer au 24 si j'ai ma guitare qui est désaccordée. Hein, quand on fait du Rage Against the Machine, on désaccorde les guitares, etc. Donc on est plutôt stressé par le fait d'être vis-à-vis des autres correct. Pas le public. Le public nous touche. Disons que ça met une pression, mais après la première chanson, c'est parti. C'est fini. Les premières notes. C'est stressant. Et une fois que c'est parti, que ça commence à chanter de partout, c'est fini. Là, vous êtes dedans. Mm-hmm. Après, vous êtes obligé de penser techniquement à ce qui va se passer au morceau 23, comme je disais que ça, ou 24, etc., ou à tel morceau où il va falloir prendre sur le 2 et non pas sur le 1, etc., de la mesure. Mais bon, après, voilà, on essaie d'être sérieux, mais c'est vrai qu'à partir du premier morceau, on est plus stressé. D'accord. À quel genre d'événement est-ce que vous avez déjà participé depuis la création du groupe? Bon, bien sûr, comme tous les groupes de musique, on a participé à toutes les fêtes de la musique, hein, de la région. Mais bon, nous, on est un groupe de cover, donc on a fait des grosses manifestations comme la course dans la boue, les choses comme ça qu'il y avait sur Cornimont, là-haut, vous voyez. Des festivals en tout genre, on est allé jouer jusque même dans le sud de la France, hein. Mais nous on se cantonne à faire que des représentations qui sont musicales, qui sont les mariages, les anniversaires de mariage, et que trop peu de bars. On fait pas beaucoup de bars. Pourquoi? Parce que voilà quoi, on n'a pas un temps qui est extensible, on a aussi des familles. Hein. Donc on fait de la musique environ 2 fois dans le mois. Voilà. Et c'est déjà beaucoup. Hein. Ah oui. Et où est-ce que vous êtes déjà produit depuis la création du groupe? Est-ce que vous avez déjà quitté les Vosges? Ah oui, on a déjà joué sur Nancy, on a déjà joué sur Sarrebourg. Ah oui, si on veut s'écarter, on est inscrit sur un site national de mariage. Et on peut partir vraiment loin pour des animations privées. Hein. Mais bon, après, ben voilà, c'est fonction des demandes. Hein, et puis que ça paye les frais, c'est tout. Hein, voilà. Une fois que les frais sont enregistrés, on peut aller jouer à Paris, ça ne dérange pas. On a même été jouer une fois à Paris. Hein, mais c'était moins bien que de jouer à Nancy ou à Épinal. C'était vraiment moins bien. On pensait que ça serait l'Eldorado, puis ça n'a pas été vraiment bien. Pourquoi? Parce que j'en sais rien, parce que peut-être une mauvaise organisation, je sais pas, on a fait des trajets, on est parti 2 jours pour un truc qui était moins bien que de jouer à la fête de la musique ou à une animation locale. Est-ce que vous avez prévu de participer à des manifestations cette année, hormis la fête de la musique? Ah oui, donc on a déjà toute une série de mariages qui sont prévus, toute une série d'anniversaires, des gens qui fêtent leurs 40 ans, leurs 30 ans, leurs 45 ans, leurs 50 ans, 60, etc. Donc des gens qui font venir la famille de manière générale. Donc on fait beaucoup d'animations privées. Et puis, bien sûr, on va jouer pour les fêtes de la musique, parce que vous savez très bien que la fête de la musique étant le 21 juin, on joue avant et après. Hein, parce que dans les villages, ils peuvent pas rivaliser avec les grosses villes, donc ils sont obligés de le faire avant ou après. Et puis après, ben, on est pris pour des fêtes de la Saint-Patrick ou des choses comme ça, oui, des animations locales. Donc là, bon, là prochainement, on va à la fête de Saint-Patrick à Raon-Bois. C'est pareil, c'est une animation qui est super sympa parce que bon, c'est beaucoup d'amis, hein. Mais bon, la salle est pleine quand même. Est-ce que vous avez des futurs projets avec l'association Les Musiciens des Lois et votre groupe Nevermind? Ben, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus trop de groupes jeunes qui s'inscrivent. Et moi, je suis un petit peu, on va dire, inquiet de ça. C'est-à-dire que c'est comme si les jeunes, on va dire, ne s'intéressaient plus trop à faire de la musique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça fait beaucoup de... Ouais, un petit moment qu'on n'a pas beaucoup de jeunes, de groupes de jeunes qui sont venus s'inscrire. C'est leur problème, hein, mais... Après, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas faire de facture, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire de déclaration à la SACEM, ils ne peuvent pas faire de déclaration au GUSO, etc. Donc, ils sont vite arrêtés par le système. C'est leur problème, mais... Puis peut-être un manque de travail, un manque de sérieux, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut retrouver votre groupe et l'association sur Internet et les réseaux sociaux? Oui, on est sur Facebook, on a une page sur Facebook qui s'appelle donc la page Nevermind. Hein. Si, après, on est sur Internet, si vous mettez, pour le candidat antisocial, on a dû mettre un titre bien spécifique, on avait dit Nevermind interprète antisocial. Puis là, vous tombez dessus, vous tombez sur notre page. On a une, comment je peux dire ça, une page, une sorte de site, une sorte de... où il y a toutes nos vidéos qui sont là. Mm-hmm. Si vous mettez ça, vous tombez sur la page et je vous donnerai... D'ailleurs, je vous ai donné la présentation, Laura, vous avez toute une multitude de liens hypertextes où vous pouvez retrouver la présentation de Nevermind de 2023 et puis toutes les autres animations. Si vous cliquez sur les différentes choses que je vous ai données, vous le verrez. Oui, d'accord. Je regarderai ça un tout petit peu plus tard, du coup. Il y a tous les liens hypertextes, hein, en fait. Clic droit. Mm-hmm. Ça, c'est le prof qui ressort de mon corps, prof. Clic droit et ouvrir le lien hypertexte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous, l'association et votre groupe Nevermind? Qu'on puisse continuer le plus longtemps possible. Mais sachant que comme ça fait mal à chaque concert, peut-être qu'un jour on va être obligé de s'arrêter parce que ça fait trop mal. Mal dans le sens physique des choses, Laura. Mm-hmm. Oui, j'avais compris. Dans le sens, le chanteur, il est comme moi. Il dit, pourtant on n'est pas vieux, mais bon, jouer 3 heures, 3 heures et demie, c'est chaud. Mm-hmm. C'est chaud. C'est chaud parce que ça demande beaucoup, beaucoup de boulot, puis beaucoup de physique. Alors que moi, dans mes cours de batterie, j'apprends à jouer moins physique. Voilà. Moins physique, dépenser moins d'énergie pour faire exactement la même chose. Donc mon prof de batterie me dit, il faut que tu travailles ça comme ça, il faut faire laisser rebondir la baguette, il faut pas la tenir, etc. Il faut la lâcher, il faut machin, etc. Autre que d'apprendre à faire une note blanche et une note noire. Voilà. Alors cette émission est maintenant terminée. Alain, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie Laura, c'est super sympa de m'avoir invité. J'ai représenté mes camarades qui sont, je le répète, Eric André à la guitare, Anthony Riblet le bassiste et Thierry Ingret le chanteur. Et Laura, je vous remercie vraiment de m'avoir invité, c'était super sympa. Je suis ravie que ça vous ait plu. Du coup, on invite nos auditeurs à venir vous voir en concert. C'est quand, les prochains? Le prochain concert, on est à Épinal, début mars, samedi 4 mars, au R66. D'accord. Vous faites attention, c'est blindé à chaque fois. Donc, et les gens dansent sur les tables et sur le bar. Ah. Et le patron, Jean Souris, il met le feu au bar après. Ah oui, d'accord. Mais si, c'est vrai, je vous jure, c'est vrai. C'est vrai, aller au R66, c'est un truc de ouf, le patron, c'est un fou. Sympa, il est sympa, mais fou. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous, c'était Laura. Bye tout le monde.